Exercice 3, page 76. A. Si. C. 7. B. Dit. D. Dette. C. Lit. Les. Lève. D. Ni. Né. Neige. E. Mi. Mais. Mer. F. J. G. Gère.